on veut tous la gloire, comme Jackson ou Mary Jay. On veut tous percer, passionnés comme les DJ. Tous, gagner des coupes comme les champions. Passer nos tours au lieu de tourner en rond. Donner du cœur à tous nos proches. Penser à Samifa avant de se remplir les poches. Tous, accomplir tous nos rêves, man. Quand les cauchemars tournent au vrai drame. Être acteur d'un long discours. Tous éviter les pièges et peur ou pleurs quand le vice court. Tous devenir poète, écrire des phrases, toucher les petits comme Jean de La Fontaine. Passer à l'antenne, ouais. Sortir un scud qui tue comme Abdel à l'ancienne. Tous être des bêtes d'MC, reconnus pour nos mots, pas d'une émission d'MC. On veut tous la gloire, nous sommes enfants de la République. Non, chante mon peur à poser sur un banc public. Et c'est triste, non. On vit au pied des avertissements, on veut tous percer. Ils veulent tous notre ralentissement. On veut ne plus faire des siennes. Toucher le haut, comme une vraie bête de scène. Tous apparaître dans les lettres, ouais. Tous devenir si calmes quand il se passe des choses pas nettes. Gagner de la thune, ray. Vivre la vie douce afin d'effacer nos lacunes, ray. Revenir de l'enfer, tous éviter le décor, ne pas tomber dans la berge. Se sortir de la merde, tous esquiver la crise. On veut marcher sur la terre au lieu de vivre la scène du crime. Griller dans nos têtes, nos pensées nous attisent. On veut s'éloigner de la merde, toutes ces choses qui traumatisent. Et toutes ces choses qui traumatisent, on veut toutes les oublier. On veut tous combattre, armés de boucliers. Dis-moi, si la terre tourne, on reconnaît pas les oubliés. On veut tous percer, avoir la gueule de l'ouvrier. On veut tous la gloire, nous sommes enfants de la République. Non, chante mon peur à poser sur un banc public. Et c'est triste, non. On vit au pied des avertissements. On veut tous percer, ils veulent tous notre ralentissement. Yeah. Nous sommes enfants de la République. Non, chante mon peur à poser sur un banc public. Et c'est triste, non. On vit au pied des avertissements. On veut percer, ils veulent tous notre ralentissement. J'analyse l'environnement. Armé d'un stylo, un futur texte, terrible rime. Pour faire face au rouage.